Déjeuner de juge. Pauvre camp de perdrix, qui t'a vu et qui te voit, comme disaient les bonnes femmes. Tu subis, je le sais, le sort commun de toutes les petites villes destinées fatalement à disparaître sous la patte plate et pelue du monde centralisateur. C'est pourquoi je ne veux pas regretter outre mesure les gloires lointaines du passé, alors que, libre municipe, tu affichais glorieusement pour armoirie la perdrix d'or sur champ de sable, expressif et vivant symbole d'une république paysanne. Il fallait néanmoins que la France enfin se dressât, enveloppant dans son manteau brodé de fleurs de lys, puis de faisceaux sanglants, municipes et seigneuries. Richelieu et la Révolution s'en chargèrent. Mais aujourd'hui, la France est faite, et ce n'est pas qu'un perdrix qui peut nuire à son unité. Or, le pouvoir central persécute quand un perdrix. Pour un motif ou pour un autre, il lui enlève chaque jour un peu de ce que, sous préfecture résignée, elle conservait de privilèges. Telle la tour d'angle de ces vieux remparts qui, après chaque mistralade, se trouve ébréchée de machicoulis ou découronnée d'un créneau. Récapitulons, sans remonter plus loin, jusqu'où peuvent aller mes souvenirs.